Bonjour à tous, c'est Maxime qui est avec vous ce matin, en ce froid matin du 14 janvier. Donc je vous parle encore une fois depuis nos studios ce matin, nos studios qui sont pas chauds ce matin, vraiment. Ça prend une bonne paire de bottines. Donc je suis contente d'être avec vous ce matin pour vous accompagner dans ce moment où on peut se ressourcer, se nourrir à même la parole de Dieu. C'est vraiment un privilège qu'on a de non seulement pouvoir la lire, mais pouvoir la diffuser comme ça, la partager ensemble. Donc, dans cet esprit de reconnaissance, commençons notre lecture. En Genèse 30, le verset 1 jusqu'au chapitre 31, verset 16. Quand Rachel s'aperçut qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle devint jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, sinon je mourrai. » Jacob se mit en colère contre elle. « Me prends-tu pour Dieu, lui-même? C'est lui qui t'empêche d'en avoir. » Elle répondit, « Prends ma servante, Bila, pour qu'elle mette au monde des enfants. Je les adopterai. Ainsi, grâce à elle, j'en aurai moi aussi. » Elle donna donc à Jacob sa servante, qui passa la nuit avec lui. Bila devint enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel déclara, « Dieu a jugé en ma faveur, il a entendu mon souhait et m'a accordé un fils à moi aussi. » Et elle l'appela Dan. Bila, servante de Rachel, fut de nouveau enceinte et donna un second fils à Jacob. Rachel déclara, « J'ai livré un dur combat à ma sœur et j'ai gagné. » Elle appela son fils Nephtali. Quand Léa vit qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, elle prit sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Zilpa donna un fils à Jacob et Léa s'écria « Quelle chance !» et elle l'appela Gad. Zilpa donna un second fils à Jacob. Léa s'écria « Quel bonheur ! Maintenant les femmes peuvent dire que je suis heureuse !» et elle l'appela Asser. Un jour, à l'époque de la moisson du blé, Ruben se rendit au champ et trouva des pommes d'amour. Il les apporta à sa mère, Léa. Alors, Rachel dit à Léa, « S'il te plaît, donne-moi quelques-unes des pommes d'amour de ton fils. » Léa répondit, « Il ne te suffit pas d'avoir pris mon mari. Tu veux encore prendre les pommes d'amour de mon fils? » Rachel reprit, « Eh bien, Jacob passera la nuit prochaine avec toi en échange des pommes d'amour de ton fils. » Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et lui déclara, « Tu dois passer la nuit avec moi. J'ai payé le droit de t'avoir contre les pommes d'amour de mon fils. » Jacob passa donc avec elle cette nuit-là. Dieu exauça la prière de Léa. Elle devint enceinte et donna un cinquième fils à Jacob. Elle proclama, « Dieu m'a payé un salaire pour avoir donné ma servante à mon mari. » Et elle appela son fils Issachar. Léa fut de nouveau enceinte et donna un sixième fils à Jacob. Elle proclama, « Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois, mon mari m'honorera puisque je lui ai donné six fils. » Et elle appela son fils Zabulon. Par la suite, elle mit au monde une fille qu'elle appela Dina. Alors, Dieu pensa à Rachel. Il entendit son souhait et la rendit féconde. Elle devint enceinte et mit au monde un fils. Elle déclara, « Dieu m'a délivrée de ma honte. » Elle appela son fils Joseph en exprimant ce souhait, « Que le Seigneur me donne encore un fils. » Après la naissance de Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi retourner chez moi, dans mon pays. Permets-moi d'amener mes femmes et mes enfants. C'est pour elles que j'ai travaillé à ton service, et tu sais bien tout le travail que j'ai fait chez toi. » Laban lui répondit, « Écoute-moi, s'il te plaît. Mais Dieu m'a révélé que le Seigneur m'a béni à cause de toi. Dis-moi le salaire que tu désires, et je te le paierai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton bétail grâce à moi. Le peu que tu possédais avant mon arrivée s'est considérablement développé. Le Seigneur t'a béni depuis que je suis entré chez toi. Ne serait-il pas temps que je puisse travailler aussi pour ma propre famille? Que dois-je te payer? Reprit Laban. Jacob répondit. Tu n'auras rien à me payer. Si tu m'accordes ce que je vais te proposer, je suis prêt à soigner et à garder ton bétail comme avant. Je vais passer en revue aujourd'hui tout ton troupeau et je mettrai à part tout mouton qui a des taches de couleur, petite ou grande, tout mouton à la toison foncée ou toute chèvre qui a des taches, petite ou grande, ce sera mon salaire. Plus tard, tu pourras t'assurer de mon honnêteté en venant contrôler mon salaire. Toutes les chèvres qui n'auront pas de taches, petites ou grandes, et tous les moutons qui n'auront pas la toison foncée, seront des bêtes volées. D'accord, répondit Laban, j'accepte ta proposition. Ce jour même, Laban mit à part les boucs qui avaient des rayures ou des taches, les chèvres qui avaient des taches petites ou grandes, et les moutons dont la toison était foncée ou mêlée de blanc. Il confia ce troupeau à ses fils et les envoya à 3 jours de marche de là, à bonne distance de Jacob. Quant à Jacob, il s'occupa du reste du troupeau de Laban. Jacob se procura des baguettes fraîches, de peupliers, d'amandiers et de platanes. Il y enleva de petites bandes d'écorce pour y faire apparaître des rayures blanches. Il disposa les baguettes rayées dans les abreuvoirs, sous les yeux des bêtes, car elles s'accouplent volontiers quand elles viennent boire. Les bêtes s'accouplèrent donc devant les baguettes, si bien que les chèvres donnèrent naissance à des chevreaux qui avaient des rayures et de petites ou de grandes taches. Quant aux moutons que Jacob avait mis à part, il leur fit regarder les bêtes du troupeau de Laban qui avaient des rayures ou la toison foncée. Il constitua ainsi des troupeaux à lui et ne les laissa pas se mêler aux bêtes de Laban. Chaque fois que des bêtes robustes s'accouplaient, Jacob plaçait les baguettes sous leurs yeux dans les abreuvoirs pour qu'elles s'accouplent devant ses baguettes. Mais quand les bêtes étaient chétives, il ne mettait pas de baguettes. Ainsi, les bêtes chétives étaient pour Laban et les robustes pour Jacob. Jacob s'enrichit énormément et devint propriétaire d'un grand nombre de moutons et de chèvres, de servantes et de serviteurs, de chameaux et d'ânes. Or, il apprit que les fils de Laban disaient « Jacob s'est emparé de tout ce qui appartenait à notre père. C'est de cette façon qu'il s'est constitué toute sa richesse. » Il s'aperçut aussi que Laban n'avait plus à son égard la même attitude qu'auparavant. Alors, le Seigneur dit à Jacob « Retourne au pays de tes parents, auprès de ta famille. Je serai avec toi. » Jacob fit venir Rachel et Léa au champ où étaient ses troupeaux pour leur dire « Je m'aperçois que votre père n'a plus à mon égard la même attitude qu'auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez bien que j'ai servi votre père de toutes mes forces, pourtant il m'a trompé en changeant 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne l'a pas laissé me faire du tort. Si votre père déclarait « Les animaux qui ont de petites taches seront ton salaire. Toutes les femelles avaient des petits avec des taches. Ou bien s'il déclarait « Les animaux rayés seront ton salaire. Toutes les femelles avaient des petits rayés. C'est Dieu qui a enlevé à votre père son bétail pour me le donner. À l'époque où les bêtes s'accouplent, voici ce que j'ai vu dans un rêve. Les mâles qui s'accouplaient avec les brebis ou les chèvres avaient des rayures, de petites taches ou des points de couleur. Dans ce rêve, l'ange de Dieu m'appela. « Jacob! » « Oui, répondis-je. « Regarde, me dit-il. Tous les mâles qui s'accouplent avec les brebis ou les chèvres ont des rayures, des taches ou des points de couleur. Il en est ainsi parce que j'ai vu comment Laban t'a traité. Je suis le Dieu qui t'est apparu à Bethel, là où tu as dressé et consacré une pierre, là où tu t'es engagé envers moi par un vœu. Maintenant, mets-toi en route, quitte ce pays et retourne chez toi. » Rachel et Léa répondirent à Jacob, « Nous n'avons plus de part d'héritage dans la maison de notre père. Ne nous a-t-il pas considérés comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a ensuite dépensé l'argent qui devait nous revenir? Par conséquent, tous les biens que Dieu a enlevés à notre père nous appartiennent, à nous et à nos enfants. » Fais donc tout ce que Dieu t'a ordonné. Continuons notre lecture, toujours dans la version français courant, avec le psaume 12 du répertoire du chef de chorale, accompagnement à l'octave, psaume appartenant au recueil de David. Seigneur, au secours! Les fidèles sont en voie de disparition. Il n'y a plus de gens dignes de confiance. Chacun n'a que des calomnies à raconter. Les lèvres flattent, mais le cœur joue double jeu. Que le Seigneur supprime tous les flatteurs et ceux qui parlent haut, ceux qui déclarent « Nous savons bien que dire pour gagner, nous savons parler, nous ne craignons personne. » Mais maintenant j'interviens, dit le Seigneur, à cause des pauvres qu'on opprime et des malheureux qui gémissent. Je porte secours à celui qu'on écarte d'un revers de main. Les paroles du Seigneur sont franches comme l'or qui est passé au creuset et sept fois purifié. Toi, Seigneur, tu garderas les opprimés. Tu nous préserveras toujours de ces individus, même si ces gens sans foi ni loi rôdent tout autour et si l'humanité se corrompt davantage. Lisons maintenant cette parole de sagesse dans les Proverbes, chapitre 3, les versets 5 et 6. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends, et il guidera tes pas. Nous terminons notre lecture ensemble en ce beau samedi avec la lecture de Marc, chapitre 9, le verset 30, jusqu'au chapitre 10, le verset 12. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on sache où il était. Voici en effet ce qu'il enseignait à ses disciples. Le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes. Ceux-ci le mettront à mort, et trois jours après, il se relèvera de la mort. Mais les disciples ne comprenaient pas la signification de ces paroles, et ils avaient peur de lui poser des questions. Ils arrivèrent à Capernaum. Quand il fut à la maison, Jésus questionna ses disciples. « De quoi discutiez-vous en chemin? » Mais ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir lequel était le plus grand. Alors Jésus s'assit. Il appela les 12 disciples et leur dit. « Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. » Puis il prit un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. Il le serra dans ses bras et leur dit, « Celui qui reçoit un enfant comme celui-ci par amour pour moi, me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit ne reçoit pas seulement moi-même, mais aussi celui qui m'a envoyé. » Jean dit à Jésus, « Maître, nous avons vu un homme qui chassait les esprits mauvais en usant de ton nom. Et nous avons voulu l'en empêcher parce qu'il n'appartient pas à notre groupe. » Mais Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom et tout de suite après dire du mal de moi. Car celui qui n'est pas contre nous est pour nous, et celui qui vous donnera à boire un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, je vous le déclare, c'est la vérité, il recevra sa récompense. » Celui qui fait tomber dans le péché un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le jette dans la mer. Si c'est à cause de ta main que tu tombes dans le péché, coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec une seule main que de garder les deux mains et d'aller en enfer dans le feu qui ne s'éteint pas. Là, les vers qui rongent les corps ne meurent pas et le feu ne s'éteint jamais. Si c'est à cause de ton pied que tu tombes dans le péché, coupe-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec un seul pied que de garder les deux pieds et d'être jeté en enfer. Là, les vers qui rongent les corps ne meurent pas et le feu ne s'éteint jamais. Et si c'est à cause de ton œil que tu tombes dans le péché, arrache-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer. Là, les vers qui rongent les corps ne meurent pas et le feu ne s'éteint jamais. En effet, chacun sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd son goût particulier, comment le lui rendrez-vous? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix les uns avec les autres. Jésus partit de là et se rendit dans le territoire de la Judée, puis de l'autre côté du Jourdain. De nouveau, une foule de gens s'assemblèrent près de lui, et il se mit à leur donner son enseignement, comme il le faisait toujours. Quelques pharisiens s'approchèrent de lui pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent, « Notre loi permet-elle à un homme de renvoyer sa femme? » Jésus leur répondit par cette question, « Quel commandement Moïse vous a-t-il donné? » Ils dirent, « Moïse a permis à un homme d'écrire une attestation de divorce et de renvoyer sa femme. » Alors Jésus leur dit, « Moïse a écrit ce commandement pour vous, parce que vous avez le cœur dur. Mais au commencement, quand Dieu a tout créé, il les fit, homme et femme, dit l'Écriture. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront un seul être. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais un seul être. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Quand ils furent dans la maison, les disciples posèrent de nouveau des questions à Jésus à ce propos. Il leur répondit, « Si un homme renvoie sa femme et en épouse une autre, il commet un adultère envers la première. De même, si une femme renvoie son mari et épouse un autre homme, elle commet un adultère. » Alors, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite à tous un beau samedi, une belle journée ensoleillée, peut-être des belles activités en famille aujourd'hui ou en plein air. Soyez bénis aujourd'hui, puis avant de se quitter, on veut conclure en prière. Seigneur Dieu, Père éternel, toi qui es si grand et si puissant, merci pour ta parole ce matin. Comme on l'a lu dans le psaume, Seigneur, tes paroles sont franches comme l'or. Ta parole est tranchante comme une épée à deux tranchants. Ta parole pénètre jusqu'au fond de nos âmes, Seigneur. Merci pour ta parole. Seigneur Jésus, on veut te louer ce matin. Oh Jésus, quel nom si merveilleux! Quel nom glorieux, quel nom victorieux! Reçois l'adoration de nos cœurs, oh Jésus. Sois loué. On veut reconnaître ce matin, mon Père, que nos cœurs sont durs. On veut reconnaître que nous-mêmes, nous sommes vraiment pas toujours dignes de confiance. C'est vrai, Seigneur, que nos lèvres flattent, prononcent des calomnies. Nous nous fions à notre propre intelligence. Seigneur, combien on est pécheurs. Et on veut vraiment te demander pardon pour nos cœurs si durs. Seigneur, merci. Parce que tu ne nous laisses pas dans notre misère. Merci pour ta promesse d'être toujours avec nous. Seigneur, merci parce que malgré l'humanité qui se corrompt, comme on l'a lu dans le psaume 12, ça nous fait parfois peur pour l'avenir de voir toute cette corruption dans le monde. Mais Seigneur, tu nous promets que tu gardes les opprimés et que tu nous préserveras toujours. Merci pour cette promesse si réconfortante. Et mon Dieu, je te prie ce matin que tu puisses nous apprendre à placer toute notre confiance en toi, à s'appuyer sur toi dans tout ce qu'on entreprend. Oui, Père éternel, guide nos pas. Donne-nous d'avoir du sel en nous-mêmes, de vivre en paix les uns avec les autres. Donne-nous plus d'amour les uns pour les autres, Seigneur. Aide-nous à s'aimer, à aimer notre prochain, à aimer nos frères et sœurs dans l'Église, à aimer nos collègues de travail, nos patrons, nos élèves. Seigneur, on souffre souvent d'un manque d'amour pour les autres. Viens nous donner plus d'amour. Oui, Seigneur, merci qu'on puisse se confier en toi, qu'on puisse te prier, qu'on puisse avoir cette relation avec toi. Et c'est au nom de Jésus, ce nom si merveilleux, si glorieux et si victorieux, qu'on te prie ce matin. Sois glorifié en toutes choses dans nos vies aujourd'hui. Amen.